Abonné absent. Je ne suis plus celui que j'ai été. Je ne suis pas davantage celui que j'aurais pu être. J'aurais pu être un autre que celui que j'ai dû être. J'aurais dû être celui que j'aurais pu être. J'ai pas su. J'ai pas su comment. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Hey, quand on veut, on peut. Quand on veut, quand on veut, quand on veut, on peut. On peut. Quand on veut peu, on peut peu. C'est ça? Quand on veut peu, on peut peu. J'ai pas pu. Il a fallu. J'ai dû. Si je n'avais pas dû être celui que je n'aurais pas dû être, j'aurais pu être celui que je n'ai pas pu être. L'encre tarie, je me tairai. Il n'y a pas d'abonné. Il n'y a pas d'abonné. Il n'y a pas d'abonné. Il n'y a pas d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Il n'y a plus d'abonné. Je me vois mettre la clé sous la porte. Abonné absent. Avec les voix de Amandine, Lucille, Raymond, Rémi, Véronique, Xavier. À Thomas et à Peuple et Culture Cantal, merci infiniment.